Bon, alors avant de vous présenter la causerie de ce jour, il y a deux anniversaires à souhaiter. C'était le 7 avril, celui de notre président et celui de notre vice-trésorière ici présente. Donc bon anniversaire à tous les deux. Et j'enchaîne. Donc nous sommes heureux de recevoir le collectif Erika Fraters, ou la mystérieuse Erika Fraters, dont on va savoir beaucoup plus très prochainement. Bon, je peux quand même vous dévoiler qu'il s'agit d'un collectif dont quatre membres sont ici présents. Et ils vont nous présenter le livre qu'ils ont sorti cette année, qui s'appelle « Réfractaires à la guerre d'Algérie, 1959-1963 ». Et ils vont nous parler de l'action civique non violente. Donc il y a au moins un des membres, mais je ne sais pas si j'ai le droit de dire son nom, je vais dire son prénom, André, qui est là et qui va nous présenter le livre, le collectif, puis on regardera un film d'une cinquantaine de minutes, une heure, et après on continuera la discussion après le film. À vous la parole et merci d'être venu. Donc l'auteur Erika Fraters n'existe pas. Erika Fraters, c'est l'anagramme de réfractaire. N'empêche que l'auteur, ou plutôt les auteurs de ce livre sont multiples, sont une quarantaine, une cinquantaine. Ce sont des réfractaires à la guerre d'Algérie, ce sont aussi ce qu'on a appelé des solidaires à cette guerre, et quelques amis qui étaient là quand on s'est rencontrés en juin 2003. On peut se poser la question de savoir pourquoi on a attendu 40 ans pour faire ce témoignage. Alors il y a de nombreuses raisons, c'est que quand on a fini cette action, on avait autre chose à faire qu'à écrire un bouquin. Puis voilà, le temps a passé. Il y a eu un moment où un copain qui faisait un travail sur le camp de concentration de Mozac, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Mozac, M-A-U-Z-A-C, c'est un camp qui a recueilli des anti-nazis allemands, des républicains espagnols, tout, voilà. Donc il y a eu aussi quelques, alors je mets des guillemets, objecteurs de conscience qui ont été entre les latents. Donc ce type est entré en contact avec nous, ce qui a fait que des anciens de ce camp de Mozac se sont rencontrés. Ce qui nous a fait aussi réagir un peu, comment dire, avec un peu d'humeur, c'est de lire dans certains bouquins où on racontait, où on parlait de nous, on nous confondait avec les témoins de Jéhovah. Donc ça, voilà. Donc on s'est dit, il faudrait qu'on dise un peu ce qu'on a fait, même si ça n'a pas été une grande histoire. Et on a commencé à téléphoner, à faire fonctionner Internet. Toujours est-il qu'on s'est retrouvé à une quarantaine, cinquantaine, en juin 2003, sur le Cosse Noir. Alors, pour revenir un peu en arrière, le titre, donc, c'est « Réfractaires à la guerre d'Algérie, 59-63 ». Et il y a un sous-titre qui ne paraît pas sur la une de couverture, c'est « Avec l'action civique non violente ». L'action civique non violente, c'était moi j'appelle ça plutôt un groupe de combat non violent, et qui a commencé par se manifester contre la bombe atomique. Après, il y a eu des manifestations contre la torture en Algérie et en France, et puis contre les camps d'assignation résidence pour les suspects algériens. Alors je ne veux pas rester trop longtemps là-dessus. Donc c'était trois actions contre, et il y a eu une action pour, c'était la nôtre, pour les réfractaires à la guerre d'Algérie. Alors il faut dire que dans ces années-là, ce n'était pas tellement facile pour un jeune de se positionner d'une façon concrète contre la guerre. Et c'est un militaire qui était, Pierre Boisventier, qui était dans une caserne, qui a demandé à l'action civique non violente de faire quelque chose, de prendre position pour aider concrètement les jeunes qui refusaient la guerre. Là aussi, je ne vais pas trop m'attarder. Alors, l'action civique non violente, c'est un... Oui, j'appelle ça un groupe de combat, qui a sa source un peu dans le prolongement de la communauté de l'Arche de l'Anta del Basto. Alors, bien sûr, vous allez tout de suite crier, vous qui êtes plutôt libertaire. L'Anta del Basto, c'est un... Bonjour. Un catholique, un disciple de Gandhi, qui a créé un ordre, quasiment un ordre religieux. Mais l'action civique non violente, quand elle a été créée, elle a été conçue comme tout à fait indépendante de la communauté de l'Arche. Et on a retrouvé donc à l'action civique non violente, à CNV, donc des catholiques, des protestants, quelques juifs, quelques musulmans, des agnostiques et un peu d'anarchistes. Donc l'action, elle démarre en 59. Vous allez dire que c'est un peu tard, parce que la guerre d'Algérie a commencé le 1er novembre 54. Mais, bon, ça sera peut-être un sujet de débat, savoir pourquoi les choses traînent comme ça pour prendre position contre la guerre. Bon, il y a eu des manifestations très importantes de rappeler, qui criaient « Père d'Algérie, Père d'Algérie, Père d'Algérie », mais qui allaient quand même. Alors, notre petite histoire, nous, c'est l'histoire d'une quarantaine de réfractaires. Alors, parmi ces gens-là, alors, on emploie le mot réfractaire, c'est un terme générique pour parler des déserteurs, des insoumis, des gens qui ont fait un refus d'obéissance en caserne, ou voilà. Et aussi des objecteurs de conscience, qu'on appelait comme ça, mais qui n'avaient pas encore de statut à ce moment-là. Alors c'est un peu compliqué tout ça, parce que vous voyez, il y a un peu de tout, c'est une diversité pas possible. Alors qu'est-ce qui pouvait nous lier tous ensemble? Eh bien, simplement le refus d'une guerre coloniale et la demande d'un statut, on demandait à faire un service civil sous contrôle international en Algérie pendant le conflit. C'est la seule chose qui nous a tenus ensemble. Mes camarades qui sont là ont peut-être des choses à préciser, à rajouter. J'ai essayé d'être un peu bref pour qu'on ait le temps de discuter. Alors, l'action de Le Coin, c'est un truc un peu indépendant de notre histoire. Hein. N'empêche que il nous a énormément apporté. Alors, pour parler de moi, par exemple, moi j'ai été insoumis pendant 4 ans. Et alors vous savez que quand on refusait l'armée en ce temps-là, c'était condamnation en gros de 2 ans en 2 ans. Et certains sont restés 10 ans, 12 ans en prison. Tony peut... Des gens comme Chagné, d'autres. Voilà. Donc, Le Coin demandait un statut. Il demandait à ce que les gens qui refusaient la guerre, cette guerre ou la guerre en général, aient un statut d'objecteur de conscience. Mais nous n'étions pas des objecteurs de conscience. Parmi nous, certains ont refusé simplement la guerre d'Algérie. Ils auraient été d'accord s'il y avait une guerre... je ne sais pas, moi, contre les Belgiques. Contre la Belgique, par exemple. Bon, voilà. Bon. N'empêche que par la suite, il y en a qui ont un peu changé de revu leur position à cause de la participation à cette action. Alors, une chose intéressante, Le Coin nous a quand même amené quelque chose de plus que positif. À un certain moment, nous n'avions pas la possibilité de rester plus de 5 ans en prison. On savait qu'on ne ferait pas plus de 5 ans de tôle. Au bout d'un certain moment, on savait qu'on ne ferait pas plus de 3 ans de tôle. Grâce à De Gaulle. Grâce à De Gaulle et à Le Coin. Et 5 ans grâce à De Gaulle. Ah, d'accord. De Gaulle a limité à 5 ans. Et le statut est limité au double de l'armée. 3 ans au maximum. Oui, si je me souviens bien, M. Bertin, j'ai tout. De Gaulle avait dit, je ne veux pas que le marché de poids est mort, meurt quand il a fait cette grève là, pour le statut des militaires de conscience. Alors c'est le grand Charles, militaire de profession, qui a accordé le statut aux militaires. Mais ça, c'était bien après la fin de la guerre d'Algérie. Ah là, je sais plus très bien. C'était fin 50. Je sais qu'il y a eu cette expression, je ne veux pas que monsieur Le Coin meure. Alors, de la part de Gaulle, dire monsieur Le Coin, ça pouvait une certaine estime pour l'individu. Le statut des objecteurs a été voté en décembre 63. Donc en 2003, en juin, on s'est donc retrouvé et on a décidé de faire ce bouquin, on a envisagé de faire ce bouquin, et on a eu 4 projets, d'écrire un livre, de faire un film, de créer un site internet, et de faire une action en Palestine-Israël. Nos 4 engagements ont été tenus, le bouquin vous l'avez là, le film vous risquez de l'avoir tout à l'heure, le site internet, celui qui est en train de monter les escaliers en est le responsable, c'est Pierre Sommermeyer. Il va vous en parler. Voilà. Et l'action en Palestine, 8 d'entre nous sont allés à... Ah ben oui, oui, voilà. Alors, moi, je représente... oui, on a sauté une partie. Je représentais les solidaires, une partie des solidaires. Alors, les solidaires, comment vous dire, l'action civique non violente, sans être officiellement une organisation bien structurée, mais était très, enfin, officiellement, était très bien structuré. Il y avait un peu partout en France des groupes d'action civique non violente. Il y avait aussi les groupes des Amis de l'Arche. Et tous ces groupes, ces gens, ça se mélangeait pour soutenir les actions qui se déplaçaient un peu partout en France. Parce que les réfractaires qui se faisaient arrêter volontairement, enchaînés, ou il y avait plusieurs formes de l'arrestation, le faisaient dans des endroits différents. Et ça donnait l'occasion chaque fois à contacter, faire la publicité dans des régions différentes. Alors parmi les solidaires, il y avait ce qu'on peut appeler le premier cercle, c'était des personnes qui avaient provisoirement mis de côté leurs obligations familiales et professionnelles et qui s'étaient engagées pour un temps plus ou moins long. Ils se mettaient complètement à la disposition pour soutenir tous ces jeunes, les accompagner sur les chantiers et certains même pour les accompagner, aller avec eux en prison quand ils se faisaient arrêter. Et là, c'était suivant. Quelquefois, ils restaient juste quelques jours en prison, d'autres fois, ça durait plusieurs semaines et même plusieurs mois. Et il y a certains d'entre eux même qui ont eu des procès par la suite pour manifestations interdites, etc. Et ces gens-là, ils avaient en général entre 10 et 15 ans de plus que les jeunes. Là, nous, on avait autour de 20 ans, 23 ans, nous, les jeunes. Et les autres, un autre cercle de solidaires qui étaient les compagnes, par exemple, des réfractaires. Parmi ces réfractaires, à l'époque, il y avait environ un tiers qui avaient des compagnes ou des épouses ou des fiancés, ou appelez ça comme vous voulez. Et il y avait aussi la famille, des frères, des sœurs et la famille. Et ensuite, il y avait aussi, il y avait dans ce groupe, dans ce cercle-là, tous ces amis des groupes de l'action civique dans des langues et les Amis de l'Arche, qui étaient là ponctuellement pour faire une action, apporter de l'argent, faire et soutenir les gens, faire du bruit autour des procès que subissait chaque réfractaire. Même des fois, chaque réfractaire a eu plusieurs procès parce qu'il a été arrêté, condamné plusieurs fois. Et pour continuer, quand je repense à tout ça et quand je me suis plongé dans les documents de l'époque, je pense que c'était une organisation remarquable, mais très, très souple. On peut, à moins que vous disiez quelques questions à poser, ou on voit le film. Des questions, mais c'est peut-être mieux après. C'est qui l'envoie le film? Alors, peut-être... Plus fort. Qu'avez-vous fait en essayer? Oh, chien. À toi, Tony. Oui. Ce que nous avons fait en Palestine, d'abord, il faut dire que sur le coast, à notre rencontre de 2003, nous avons passé un certain temps à faire un communiqué de presse qui n'a jamais été communiqué ni de presse, que nous avons signé à l'unanimité. C'était un texte de soutien aux réfugiés israéliens. Les réfugiés israéliens sont des jeunes et des moins jeunes et des vieux, qui a des militaires de carrière, qui refusent soit d'aller dans les territoires occupés, soit de faire totalement la guerre aux Palestiniens. Alors, tous les présents ont signé, c'était un texte unanime. Il est d'ailleurs encore sur le site. Et suite à ça, il s'est trouvé, on y était 9 à l'origine, on était 9 à être partants pour faire une action en Palestine, au bénéfice des Palestiniens, bien entendu. Donc nous avons essayé de trouver... quelque chose de faisable. Ça a été assez difficile parce que les communications se passent pas très bien, se font en anglais, on n'est pas des professionnels de l'anglais. Et bon, donc on a quand même trouvé une possibilité de chantier. C'était de remettre en état toute la partie douche, toilettes, arrivée de l'eau, électricité, d'une maison qui a été démolie 5 fois par Israël. Une maison qui est située juste à l'extérieur d'un village qui s'appelle Anata. C'est une maison qui a été démolie parce qu'il y a des gros problèmes. Les Palestiniens qui ont un bout de terre et un peu d'argent qui veulent bâtir font des demandes de permis de construire, on leur dit vaguement que c'est possible, ils payent cher, ils ne voient pas de réponse officielle, donc ils commencent à bâtir, et puis soit on leur dit, soit on ne leur dit pas. Un jour, il arrive quelqu'un qui leur dit, bon voilà, vous avez un quart d'heure pour démolir, si vous ne démolissez pas, on le fait nous, et vous payez la démolition. C'est un système comme ça, et... Donc, en se basant là-dessus, on a pris contact avec les collègues parisiens, Jean Lagrave et Geneviève Courbré, on a pris contact avec une association israélienne qui s'appelle l'ICAD. C'est l'association internationale contre la démolition de maisons. Tout ça en anglais. Ça fait ICA, ICAD, ICADDH. Non, c'est... Oui, enfin bon. Et on a donc contact, on est parti là-bas pour 15 jours pour d'abord rebâtir tout le système accessoire de cette maison, parce que la maison est devenue maintenant une maison de la paix, autorisée par Israël. Il n'y a pas eu de cinquième démolition, il n'y en a eu que quatre. Par contre, elle a été rebâtie 5 fois. Et il y a des camps de travail internationaux, palestiniens et israéliens qui se font à cet endroit-là pour rebâtir d'autres maisons qui sont démolies comme ça dans le même quartier. Les maisons sont démolies pour n'importe quelle raison. Là, celle qui a été démolie là, elle était démolie parce qu'il n'avait pas le permis officiel et qu'il a commencé à bâtir. 5 fois de suite, il a payé, 5 fois de suite, il a cassé, etc. Et à côté, on est parti en Israël, on a été logé dans un ancien monastère du Secours catholique, juste à côté de Jérusalem Est, enfin dans Jérusalem, dans la zone de Jérusalem Est, et on faisait tous les matins en bus, petit bus, on allait au village, travailler, faire notre chantier. Donc, à l'origine, on devait être 9, et puis l'un d'entre nous est tombé malade 2 jours avant, donc il n'a pas pu nous accompagner. Et on s'est partagé le travail. Il y avait un carreleur qui a fait le carrelage, un plombier qui s'occupait de l'eau, comme dit Jean Lagrave, ceux qui avaient une spécialité un peu moins spéciale. On fait de la peinture, des choses comme ça, et on était accompagné de deux compagnes, la femme d'Éric Pau que vous avez vu tout à l'heure, et la compagne de Jean Lagrave que vous avez vu aussi, qui elles se sont occupées de faire travailler, dessiner, faire une fresque aux enfants, d'une part de Bédouins qui avaient un camp à la lisière du village, parce que les Bédouins du Negev sont expulsés régulièrement et on les envoie, on leur dit de partir, donc ils vont s'implanter aux alentours des grandes villes, et en particulier Jérusalem, et de faire des dessins, des travaux comme ça aux enfants du village d'à côté, etc. Voilà. Et par contre, notre espoir de rencontrer des réfugiés, c'est malheureusement ce qui nous a le plus déçus. Un peu parce que la langue ne passe pas trop bien, un peu peut-être parce qu'on n'a pas été très bien compris. On a eu quand même, un jour et demi, des jeunes palestiniens qui sont venus travailler avec nous. Bon, ce sont des jeunes d'une 20aine d'années, ils sont venus travailler un peu, mais en fait on s'est rappelé comment on était à leur âge, c'est-à-dire on bougeait un caillou, on s'arrêtait un quart d'heure, ils ont fait un peu ça la journée, c'était sympathique, mais on a un peu parlé avec eux, mais c'était assez difficile. C'était assez difficile parce que, d'une part, pour eux la guerre d'Algérie, ils ne savent pas ce que c'est. Donc nous, venant en tant que réfractaires à la guerre d'Algérie, etc., ça ne les touchait pas plus que ça. Ensuite, quand ils nous ont posé la question combien on était, quand on leur a dit on était une 50aine, ça les fait un peu rigoler parce qu'ils sont 1500 à 1800, les réfugiés. Et enfin, parce que le rapport des Israéliens à leur armée est un rapport tout à fait particulier. C'est-à-dire que personne ne dit du mal de l'armée, on ne touche pas l'armée, on ne veut pas faire l'armée, mais l'armée c'est quelque chose de sacro-saint, et c'est même ceux qui dirigent le pays vraisemblablement. Et je ne sais pas si vous avez vu le reportage sur Arte, là, en 3 parties, mercredi soir, il y a eu 3 reportages sur la Palestine. Et le dernier reportage parlait de l'envahissement de Jenin, si je me souviens bien, par l'armée israélienne, où il y a eu des atrocités, des maisons démolies. avec des gens dedans. Et donc on voit d'ailleurs sur le reportage des cadavres, des bras d'enfants sur les tombes de gravats, etc. Et il avait été demandé à l'époque, l'ONU avait demandé une enquête internationale. Le gouvernement israélien était pour, c'était Sharon qui était là. Par contre, c'est l'armée qui s'y est opposée. Et donc il n'y a pas eu d'enquête. Et ce rapport à l'armée n'est pas du tout le même que nous avons ici. L'armée, c'est pas quelque chose de sacro-saint. Donc ça n'a pas très bien marché. En plus, comme évidemment, on n'avait pas fait de grosses campagnes de presse à notre arrivée. On y était allé sur la pointe des pieds parce qu'on n'avait pas envie d'arriver à Tel Aviv et de se retrouver dans l'avion le soir même. C'était pas une solution. On a eu il y a quand même eu une conférence. Alors on n'a pas très bien compris si cette conférence avait été faite en notre honneur ou si elle avait été faite et qu'on y était invité. Ce qui nous a frappé, c'est que celui qui faisait la conférence sur les réfugiés était lui-même officier, actuellement toujours officier, formateur de militaires, mais il était réfugié. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas aller dans les territoires occupés. N'empêche qu'il était toujours militaire. Et quand il est arrivé sur la tribune, il a commencé en disant à la salle, « Excusez-moi, je vais être obligé de parler en anglais parce qu'il y a des étrangers dans la salle. » Mais il n'a pas dit qu'on était en siège objecteur, il n'a pas dit si on était invité, il n'a rien dit. C'était vraiment comme si on n'était pas là. Alors on s'est dit, bon, il y a quelque chose qui n'a vraiment pas marché. Par contre, ce qui a marché, c'est le travail, on a fait le boulot qui était prévu, c'est les contacts avec les Palestiniens qui, eux, contrairement aux Israéliens, savent ce que c'était la guerre d'Algérie. C'est un peuple frère qui s'est battu, donc ça les connaissent. Et voilà, on a passé 15 jours à subir un peu, très peu, la vie des Palestiniens, avec des checkpoints partout. Il y est le matin, il n'y est plus l'après-midi. Le matin, vous passez cette rue-là, l'après-midi, en vous lancez par là-bas. Pour aller d'un village à un autre, il faut faire 20 km par la montagne, alors qu'il y a une route israélienne qui passe en dessous. On n'a pas le droit d'y passer. Changement de taxi entre les routes israéliennes et les routes palestiniennes. Petit policier qui a fait reculer parce que le chauffeur n'avait pas très bien compris en sortant de Bethléem. Le chauffeur de notre bus, c'était un jeune homme, tout jeune, avec sa mitraillette, je ne sais pas, son truc là, qui a fait un geste, le chauffeur a avancé. Et il s'est fait jeter par un gamin de 18 ans, harnaché, qui l'a obligé à reculer 50 mètres. Tu viendras quand je te le dirai, tu n'as pas. Voilà, c'est des pancartes qui disent aux Israéliens en anglais et en hébreu, si vous ne pouvez pas passer, il est interdit de passer, si vous le faites, c'est sous votre responsabilité, et vous risquez la mort à tous les coins, de rue. Ce qui n'est pas forcément vrai, il ne faut pas. Bon. Voilà, on a été un peu choqués par la façon dont les Palestiniens sont vus par certains Israéliens. Par la majorité, parce que c'est un système qui s'apprend à l'école, donc c'est assez difficile. Par contre, on a rencontré des associations israéliennes qui se battent pour essayer de changer les choses. Mais on les écoute assez peu. Voilà ce que nous avons essayé de faire. On aurait aimé avoir plus de contact avec les réfugiés. Mais bon, ça on n'a pas pu. Il y en a qu'un qui est venu nous voir à l'aéroport à 2h du matin. Mais c'était un plus âgé d'une trentaine d'années qui, je ne sais pas ce qu'il fait, mais enfin il était très au courant de ce qui se passait partout dans le monde. Donc Et d'ailleurs, il est venu à Marseille un jeune israélien pour expliquer sa position. C'est le mouvement contre le mur, je crois. Oui, où il y a des anarchistes. Anarchistes israéliens. Il a été blessé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, il a reçu une balle dans un œil et il risque de faire son mur. Les anarchistes contre le mur, c'est ceux qui ont les plus actifs. Parce que les réfugiés, c'est ceux qui. Il y a plusieurs groupes. Oui. Les réfugiés, ce sont ceux qui veulent pas faire la période de réserve dans les territoires occupés. Donc en fait, maintenant, l'armée israélienne a pris comme habitude de pour pas faire des vagues, de les mettre dans d'autres endroits. Et puis il y a aussi les objecteurs de conscience. Et ce sont ceux-là qui en fait pâtissent le plus, ils font de la prison. C'est-à-dire les jeunes qui à 18 ans refusent de faire l'armée. Mais par contre, contrairement à ce qui se passait pour nous, ils ne font pas de longue durée de prison. Ils font 2 mois, 3 mois, 6 mois. Il y en a qui ont fait le temps de leur le service militaire en Israël, c'est 3 ans pour les hommes. Il y en a qui ont fait 3 ans, et même il y en a un, il n'y a pas longtemps, le neveu de Nathaniel, qui a été de nouveau, rappelé. Et parce que, comme vous, à chaque fois qu'ils refusent, à chaque fois ils font de la prison, ils sortent et après ils sont de nouveau emmenés à la caserne. Là, ils refusent, ils repartent en prison. Mais les jeunes nous ont dit qu'ils ne faisaient pas, quand on leur a dit qu'on avait fait 1 an, 2 ans, etc., ils nous ont dit non, nous ça commence pas comme ça, ça commence par 2-3 mois et puis. Ça, c'est les refusniks, c'est autre chose. Les refusniks, oui, ce sont des réservistes. Les réservistes, c'est ceux qui, en Israël, une fois qu'on a fait l'armée, 3 ans pour les garçons et 2 ans pour les filles, après, on fait la période de réserve pendant, jusqu'à 45 ans. Bon, donc, s'ils refusent, ils vont faire 28 jours de tôle. Ils vont refuser une nouvelle fois, et puis après on va les lâcher, parce que de toute façon, l'économie ne supporterait pas, bien évidemment, d'avoir des gens en prison au lieu de travailler. Donc c'est cela, en fait, ce qu'ils appellent refusnik. Refusnik, ça vient d'un mot qui a été utilisé en Russie, en l'ex-Union soviétique. C'était les ceux qui ont fait de la prison, les juifs russes qui ont fait de la prison parce qu'ils demandaient à partir en Israël, et qu'à l'époque l'Union soviétique, l'ex-Union soviétique refusait de les laisser partir, et ils ont finalement réussi à partir parce que les Américains ont passé une loi au Congrès interdisant de commercer avec les entreprises russes, etc. Donc c'est comme ça que les juifs de l'ex-Union soviétique ont pu émigrer, c'est sous la pression des Américains. Moi, je voulais demander, vous aviez des contacts avec les Belges? En prison? Non. Le mouvement, l'action civile. Oui, oui, il y a eu des contacts. Vous avez dit un peu aussi, monsieur Fabien. Il y a eu des contacts sur le bilanville de Nanterre. Ah oui. Il y a eu des contacts avec le FLN. Par exemple, avant, là, je crois que c'est, je ne sais plus si c'est la manifestation du 17 octobre ou. Oui, après le drame de Sharon. Jacques Pironnet a proposé une manifestation avec le FLN, avec les Ukrainiens, mais le FLN a refusé pour des raisons politiques. Il ne voulait pas de Français dans. Pas de Français dans. Il fallait que ça soit tenu en main par le FLN complètement. Donc, les autres mouvements algériens. Quels autres mouvements? Les Samirats et compagnie. Les mouvements avec qui les anarchistes étaient d'habitude en lien. C'est avant ça. C'est avant. Non mais. Alors, parlons des anarchistes. La Fédération communiste et libertaire qui avait pris parti pour Metaliach et le MNA, mouvement nationaliste algérien, mais termine son existence en 56, en août 56. Alors là, ça serait intéressant de savoir ce que sont devenus les jeunes de la Fédération communiste libertaire qui ont refusé de partir en Algérie. Il en est question un peu dans une vidéo que j'avais vue, et je sais qu'il y en a encore un sur le Larzac, Pierre Morin, je crois. Mais pour avancer à ta question, Henri Chérouse, qui avait rejoint l'action civile violente, qui est un chrétien, qui est devenu marxiste, était en prison avec le FLN à Fresnes. Et qui c'est au contact d'Henri Curiel qu'il a un peu changé de position. Je crois qu'il faut se rendre compte à ce moment-là, quand nous on rentre dans l'histoire, les positions sont extrêmement tranchées. Et que les gens du FLN ne peuvent pas collaborer avec des gens qui ne sont pas prêts à soutenir leur cause. Nous n'étions pas là pour soutenir leur cause. Nous étions là pour la paix en Algérie, c'est clair. Mais nous n'étions pas pour la guerre du côté du front. Ça, c'est pas la question. C'est pas simple la question. Mais ce qui veut dire que les relations qui auraient pu y avoir en Algérie, le FLN. À ce moment-là, il n'y a plus rien d'autre. Cela dit, dans le premier groupe, si je ne me trompe, qui va participer aux manifestations contre les camps d'internement, destination résidence, il y a un Algérien. Et après, c'est, je dirais, une affaire vraiment franco-française. Moi-même, quand j'étais à Jeune Résistance, c'était un sous-réseau du réseau Janson de soutien au FLN. Moi, j'ai rencontré Janson, des gens du FLN dans le nom. Même Janson, je ne savais pas que c'était Janson. Donc il y a eu des contacts, mais le FLN, enfin, les nationalistes algériens voulaient faire une révolution par les armes. En tant qu'anard, moi je pouvais pas être d'accord avec tout un tas de choses, mais j'étais d'accord que ce peuple, j'étais en désaccord avec le peuple français. Il n'y avait pas d'autres communications possibles que par le FLN. Le FLN n'existait plus à ce moment-là. Non, mais il pouvait y avoir des électrolytes. Il pouvait y avoir des électrolytes, d'accord. C'est un projet de l'autre, c'est difficile. De toute façon, les électrons libres, face au FLN, ne duraient pas longtemps. Il faut être honnête. Là, c'est très intéressant pour le FLN. Complètement rejeté. Bétonné. Ah ben non, mais c'est normal. C'est quelque chose qu'on voit dans n'importe quelle situation. Mais à partir du moment où il y a un mouvement révolutionnaire et juridique, il refuse tout contact avec les gens qui ne sont pas liés à lui. C'est-à-dire, si on prend le cas de l'Indochine, avec les Vietnamiens, les Kong, le Parti communiste indochinois, les gens qui s'opposent à lui, comme notre ami Katsila Kovan, c'est des traites, c'est des ordures, donc ils vont les flinguer. Donc on se trouve toujours dans cette situation-là. Moi, la question que j'aimerais poser, que j'aimerais aborder ici, qu'on ne peut pas aborder ailleurs, parce que maintenant, c'est comment est-ce fait, à ce moment-là, dans ce groupe de 40, il y a un anarchiste. Moi, à l'époque, je n'étais pas là. Donc, il y a un anarchiste. Où sont passés les autres jeux? Est-ce qu'il n'y avait que des vieux cons? Oui, non, mais, je veux dire, en 58, 59, 60, 61... Ils n'avaient pas forcément voté. Ah, le problème n'est pas là. Non, mais... On a connu, des copains de notre âge, de mon âge, et... Bon, en militant, au moins t'as envie de leur demander, mais qu'est-ce que t'as fait toi pendant la guerre d'Algérie? Je ne me permets pas de demander ça à qui que ce soit, mais je sais que un tel est resté sur un piton pendant des mois, un autre s'est engagé dans une compagnie saharienne pour ne pas combattre en Algérie, Un autre est parti avec le syndicat EFO étudié aux États-Unis. Un est parti en Inde. Ouais. Voilà. Un autre est venu, a fait l'école des officiers, je ne sais pas quoi, est venu visiter avant que j'étais en tôle, tout en uniforme, très beau, ça. Bon. Je ne donnerai pas de nom. Hein. La question que je pose, ce n'est pas les individus. Hein. La question que je pose, c'est le courant, le mouvement. Pourquoi, à ce moment-là, un mouvement qui se prétend révolutionnaire, qui appelle à la révolution mondiale, est incapable de dire « Stop, nous appelons à l'insoumission. Pourquoi ?» Oui, parce qu'apparemment, ils renvoyaient les États dos à dos en disant « On ne veut pas de nouvel État algérien », mais ils ne prenaient pas de solutions concrètes en disant n'allez pas faire l'armée, soumettez-vous, tout ça. C'est ça que tu es en train de dire. Mais pire que ça, il y a un mois, il y a un jeune militant qui vient me voir avec une lettre d'Aristide Lapeyre, qui date d'octobre 58. Et cette lettre conseille à un jeune qui doit partir d'Algérie, mais non, si on la lit bien, il lui conseille de prendre l'uniforme, donc de faire la guerre. Voilà. Alors ce copain, il croyait que c'était moi, je lui dis non, en 58, ça fait deux ans que j'étais... Donc un militant comme Aristide, un militant chevronné, en 58, après 4 ans de guerre, il conseille à un jeune anarchiste de prendre l'uniforme. Mais je caricature peut-être, j'ai mal lu, j'en sais rien. Il y en avait aussi quelques-uns, comme toujours, comme dans toutes les guerres, sans salaire, qui, ne voulant aller ni d'un côté ni de l'autre, se démerdent pour précisément ne pas s'impliquer. C'est grave, parce que c'était une guerre coloniale à la racine des choses. C'était du colonialisme, donc ça, les anarchistes doivent se positionner par rapport à ça, en dehors du fait de se positionner sur un État, enfin un État, est-ce que les anarchistes sont pour le colonialisme ou pas? C'est ça la question, hein? C'est ça. Le reste, ça peut être débattu après, sur d'autres. Mais la question, c'est la même chose, par exemple, avec le conflit israélo-palestinien. Moi j'en parle parce que je vois rarement, je fais des manifestations pour la Palestine, je vois rarement des militants, je vois rarement des anarchistes dans les manifestations en soutien aux Palestiniens. Donc je pose la question, une nouvelle fois aussi, c'est du colonialisme, est-ce que, bon, en ce qui me concerne, j'ai pas énormément de connaissances de l'anarchisme, mais je pense que tout anarchiste est contre le colonialisme, où il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors, j'ai rien compris à l'anarchisme, c'est possible. On est contre le colonialisme, mais tu n'es pas pour le nationalisme palestinien ou le nationalisme algérien. Moi, alors, ça dépend. Non, c'est une autre problématique. Je pose la problématique du colonialisme. Est-ce que, en tant qu'anarchiste, on est pour ou contre le colonialisme? C'est oui ou non. C'est pas oui mais alors, ou non. Est-ce mais que vous voulez une réponse, madame? Oui. Est-ce que votre commentaire vient à la suite d'une théorie? Vous voyez cette femme, elle s'appelle Louise Michel. Oui. Question sur le colonialisme. La première anti-colonialiste française était une anarchiste. Oui. Louise Michel, il s'agit de votre cabinet. Êtes-vous satisfaite pour votre question en oui ou non? Non, mais... Non, attendez. Les choses viennent après. Êtes-vous satisfaite comme votre question? Oui, mais Louise Michel, c'était sa position. Louise Michel, c'était Louise Michel. Vous, quelle est votre position? Jamais de la vie, jamais. Je dirais dans une famille pour les filles, jamais. Voilà. Jamais. Non, voilà. Donc, on est d'accord. Vous avez bien entendu. Oui. Oui, mais c'est pas parce que t'es pro-colonialiste. Bien sûr que non. Bien sûr que non. D'accord. On est très d'accord. Donc, vas-y. Pour revenir à la question tout à l'heure, c'était que les individus, face à des situations données, prennent des positions différentes. Ça me semble complètement normal. Mon propre itinéraire est complètement différent de leur itinéraire. Moi, en 60, je fais les manifs à Paris. Je me rends compte que courir derrière les flics, tout ça, c'est une aberration. De toute façon, ça ne sert à rien. Je me retrouve, je prends contact avec l'action civique non violente, qui m'a à ce moment-là des vigiles immobiles devant le ministère de l'Intérieur. J'y vais, je participe à l'assemblée. Puis au moment où je vais être appelé, je me dis, de toute façon, moi, je suis un fils d'émigré, immigré de la deuxième génération. J'ai aucune vocation à aller en prison. Vraiment, c'est pas mon truc. Je me dis, bon, je pars en Allemagne, je pars au Maroc, où je reste pendant un an, très tranquille, sans un service civil, en tout cas. Hein. Puis à un moment donné, je me dis, qu'est-ce que je fous là? Je rentre en France, je me fais arrêter, et je me retrouve en prison. Donc, tu vois, ça c'est mon enfant. Hein. C'est pas du tout le cas de Tony qui, lui, il va directement à l'armée, puis il se fait encabaner. C'est pas du tout la même situation d'André qui part à l'étranger, qui rentre dans le jeune résistance ou qui milite. Hein. Pour moi, la chose est claire, de toute façon, le FLN n'est pas question, puis je n'ai pas du tout envie de rentrer. Hein. Donc là-dessus, c'est évident que face à l'épreuve, les réactions des uns ou des autres individus sont différentes. Par contre, quand tu es dans une organisation, quand tu es dans un courant qui dit « nous allons faire la révolution mondiale, nous prenons l'autogestion », et que face à ce problème-là, ces mêmes gens n'ont rien à dire aux jeunes qui se trouvent face à une difficulté colossale, c'est-à-dire de se trouver avec un flingue entre les mains. Ils n'ont rien à dire, ils n'ont rien préparé. Moi, je me pose le problème. Et la façon dont je réponds à ce problème, c'est la révolution. C'est qu'il y a, à ce moment-là, se heurtent deux conceptions, et c'est la plus, de la révolution. Il y a une conception de la révolution qui passe par les armes, qui fait que, grosso modo, qui est aussi celle... Après, donc il y a des antécédents à cette situation où les qui sont seuls. Après, il y a personne aussi. Il y a une idée de la révolution, il faut aller à l'armée, faire tes classes, pour que le jour venu, au moment où le tocsin sonne, tu puisses prendre ton flingue et y aller. Et c'est ça le problème. Et d'une certaine façon, nous, les non-violents, on pose le problème dans d'autres termes. Et que cette façon de poser le problème, ça défrise énormément. Et on dit, il faut aller à l'affrontement, parce qu'on prend trop souvent la non-violence comme, ah, je ne vais pas faire de mal au truc. Ce n'est pas question de ça. On peut aller à l'affrontement, il faut aller à l'affrontement, il faut aller jusqu'au bout, ça. Ça peut être, comme on disait, Michel disait, on peut amener à casser les choses. Si on parle, André est un parfait non-violent, ça grève... Du Parisien libéré a été ponctué de coups d'action comme ça, hein, de pneus crevés, non, c'est d'action. L'ordinateur cassé à coups de marteau. Mais on a derrière nous une idée où le rôle de l'individu, c'est de prendre ses décisions et d'aller jusqu'au bout avec les risques que ça comporte. Ah, c'est moins glorieux que de monter au front avec une carabine en chantant « Alas, barricadas », ça c'est clair. Hein. Et c'est quand même là le problème. L'autre chose que je voudrais revenir, c'est, mais je ne suis pas loin de ça. À un moment donné, il y a un des, c'est Pierre Boismontier, donc le premier objecteur, le premier réfractaire en date, il dit « Ouais, l'utilité ». Et il se trouve qu'à un moment donné, la conjonction de gens qui étaient non-violents, d'un côté, et d'un mec qui ne l'était pas, il était persuadé que l'objection de conscience était une obligation pour les anarchistes. Le point, cette conjonction de ces deux-là amène au vote d'un texte de loi. Et ce texte de loi va profiter à 75 000 jeunes en France. Si ça, c'est pas d'efficacité, il faut bien savoir ce que c'est l'efficacité. Et cette efficacité était possible parce que c'était des non-violents qui étaient en prison. C'est des gens à qui on ne pouvait pas reprocher d'avoir agressé qui que ce soit, cassé qui que ce soit, et que cette action de violence donnait le fait que ça, c'était possible. Et je crois que c'est là le problème. Moi, c'est ce qui m'intéresse en venant ici. Autrement, je ne serais peut-être pas venu. Hein. Dans, au CIRAM, quasiment, dans chez moi. Hein. C'est ça qui m'intéresse, de poser cette question. Si je vous permettais, vous avez une minute, moi je suis un Tarana, ça va se voir. Le problème de la guerre d'Algérie, on m'a sollicité à ce moment-là, au très légèrement, de me faire porteur de valises. Et moi je dis comment, je vais porter des valises pour un mouvement qui va instaurer un nationalisme encore plus puissant que celui qui existe, jamais de la vie. Je ne pas. Je ne peux pas participer à ça. Je peux être solidaire dans la difficulté, solidaire dans le malheur, mais je ne peux pas être solidaire pour établir un futur régime nationaliste. Et vous avez vu comme ils se sont entre-gorgés, hein, dès qu'ils ont été indépendants. Donc on avait, enfin, je ne suis pas seul, on avait quand même une certaine lucidité quant aux perspectives du résultat. Donc je n'ai jamais porté de valise. Et je suppose que beaucoup, j'étais un peu isolé, mais enfin, beaucoup de copains à Anna ont dit non, on ne peut pas s'impliquer là-dedans. Et lui, quand ils ont été maîtres de l'Algérie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Si j'avais porté les valises, je me serais senti responsable de ce qui se passe, de ce qui s'est passé. Ah, je suppose que beaucoup de d'anards isolés comme moi, et même ceux qui n'étaient pas aussi isolés, eh bien, ont eu la même réaction. Maintenant, on serait venu, quelqu'un serait venu et ils m'auraient demandé l'abri ou ainsi de suite, j'aurais participé. Mais d'une manière positive pour établir un régime qui fait preuve de ce qu'il est. Bon, pour moi, c'est pas ça le problème. Hein. C'est que les jeunes anards, un certain nombre, ont fait une guerre coloniale. Pour moi, c'est ça le problème. Attendez, mais ils ont fait une guerre coloniale comment? En tant que mobilisés, en tant qu'appelés, en tant que... En tant que soldats, oui. Ils ont accepté de faire une guerre coloniale. Ils ont accepté. Le dilemme, certains, pas tous. Non, mais le dilemme était celui-ci. Regardez, ça paraît à côté de la plaque, mais je suis fils d'étranger. Je nais en France. Donc, à ma majorité, je peux soit garder la nationalité de mes parents, soit faire mon service militaire. J'ai fait mon service militaire, vous savez pourquoi? Parce que je me suis dit, si je ne le fais pas en tant qu'étranger, je n'aurai le droit qu'à la fermer, et jamais même de prendre de position publique. Parce que j'ai vu dans les milieux étrangers, j'ai vu des gens qui avaient participé volontairement, des Polonais qui avaient participé à la guerre de 14, bon, parce qu'ils croyaient que c'était de bon côté, et puis le jour où ils se sont révélés communistes ou ainsi de suite, eh ben on les a expulsés vers leur pays d'origine. Donc ces gens-là avaient le droit de se faire tuer pour la France, mais ils n'avaient pas le droit de l'ouvrir, ça leur avait pas conquis un droit. Alors je me suis dit comment tout... Non, c'était en 45. C'était en 45. Alors je me suis dit... La situation historique n'est pas là. Je me suis dit, j'aurais que le droit de la fermer toute ma vie. Ah ben, je n'ai pas été un militant en père, mais enfin, j'ai pu, étant donné que j'avais fait mon service militaire, que j'étais né en France et qu'on ne pouvait plus me contester mon droit, ben, je me suis mis à vendre le libertaire et le monde libertaire sur la place publique à Istres. Et je pouvais le faire parce qu'on ne pouvait plus me contester ce droit. Alors, il y a des moments où il faut choisir le moindre mal. Ce n'est pas forcément le moindre mal. Ah, pour moi, ça l'était. D'accord, mais c'était pour toi. Ah oui, mais je n'ai pas dit que c'était la réaction de tous les anarchistes. D'abord, il n'y avait pas peut-être beaucoup d'anarchistes d'origine polonaise. Hein. Alors, il y a un moment, la fermer toute sa vie, dire bon, j'ai que le droit de la fermer, j'ai que le droit de la fermer. Est-ce que c'est une vie? Non, Alors on posait la question pour les Algériens, est-ce que c'était une vie de vivre sous l'empire, sous le colonialisme, et de la fermer et d'être humilié comme ils étaient humiliés, torturés, etc. Alors là, c'était un choix aussi moral, éthique, hein, de dire est-ce que finalement entre une position anticolonialiste et une position anti-étatique, qu'est-ce qu'on fait comme choix? Bon, je pense qu'il y a, au-delà des positions politiques, il y a une position morale, éthique. Et je pense que l'anarchisme, quelque part, l'anarchisme, tu as cité effectivement Louise Michel, je pense que c'est l'une des femmes justement qui avait, hein, au fond d'elle-même, au fond de ses positions, il y avait toujours une éthique, qu'il n'y a pas toujours chez d'autres anarchistes, quelle que soit les générations. Hein, c'est un problème d'éthique. Hein. Mais il n'y a pas d'orthodoxie anarchiste. On l'est en syndicat d'une manière ou d'une autre. Enfin, il y a des choses qu'on se refusera, absolument. Mais il n'y a pas... Louise Michel a été... Regardez, quand Louise Michel a été déportée en Calédonie, elle l'a sympathisé et elle a essayé d'apprendre à lire aux indigènes, aux Calédoniens. Mais il y avait été déporté avec elle des tas de communards. Et des Algériens. Et des Algériens. Des Kabyles. Eh bien, quand les Calédoniens se sont soulevés, ces communards qui avaient été. Ils ont pris parti pour la France. Mais dans le mouvement anarchiste, il y a quand même certains anarchistes ont un sentiment de supériorité par rapport aux, entre guillemets, indigènes. Oui. Et ils pensaient que c'était bien, il fallait apporter des idées occidentales, et finalement ils étaient du côté, même quelqu'un comme Élisée Reclus, il a défendu la colonisation, entre guillemets, puisqu'il était pour établir des communautés. Sa position par rapport à la colonisation en Algérie, en tout cas, et bon, c'est quelqu'un qu'on aime bien, mais il n'a pas condamné la colonisation par la France. Parce qu'il y a une partie qui pensait, c'est le truc classique, enfin, c'est comme le FL, bon, on soutient le mouvement de contestation contre le colonialisme, parce qu'après, les gens font la révolution. Là, il devait être pareil, bon, le colonialisme français, parce que l'anarchisme viendra avec, on va leur apporter l'anarchisme dans les bagages de la France, et je pense qu'il y a eu cette attitude. C'était dans l'air du temps, Pour l'anarchisme, c'est suicidaire. C'est suicidaire. Oui. Ça, on le voit maintenant, hein, dans quelle situation est l'anarchisme en France, excusez-moi. Quel est l'impact du mouvement anarchiste sur la société actuelle, hein? Il est nul, hein? Il est fossilisé. Donc il faut se poser des questions à un moment ou à un autre quand même. Hein? Vous êtes suffisamment intelligent, nos deux filles, hein, pour vous poser les bonnes questions à un moment donné et réfléchir, et puis peut-être rectifier le tir s'il faut le rectifier. Hein? C'est ça le problème. Hein? Regardez actuellement la situation dans laquelle on est en France. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Qu'est-ce que vous faites? C'est un débat intéressant, vous avez en partie raison, et puis je pense que les idées libertaires sont quand même présentes dans l'esprit de la jeunesse qu'on voit manifester dans les rues. Donc ce qui serait bien, c'est de reparler. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de... Parce qu'il m'a intéressé dans le film et dans le bouquin, c'est de voir cette solidarité que vous aviez entre vous, des gens quand même d'opinions très contraires, et c'est ça qui m'intéresse, parce que si un jour on doit changer le monde, c'est effectivement pas les 0,2% d'anarchistes qui vont changer, et on va être obligé de travailler avec peut-être sûrement des chrétiens, des protestants, qui ont envie de changer le monde, même s'ils croient en l'existence d'un personnage auquel on ne croit pas. Et tu as parlé d'émotion, moi je l'ai senti aussi, des mecs, tout le monde se dit je m'appelle André Bernard et je vais en prison, c'est ça, je trouve ça super. Ce qui m'intéressait, c'est les techniques non violentes, parce que bon, je pense qu'il existe un tas de mouvements non violents, mais on le fait spontanément, mais je pense que ça se prépare effectivement. On est face aux flics, bon, on ne va pas juste se coucher comme ça, il faut savoir quoi faire. Et je crois qu'au début du bouquin, il y a un moment où les flics interviennent dans un village et tout le monde part dans tous les sens, il y en a un qui se fait arrêter, qui part, et tout ça c'est travaillé. On sent qu'il y a un boulot derrière, et ça j'ai trouvé ça passionnant. Quoi. Par rapport à ce que peut-être vraiment vous répondiez, je complète la question, c'est peut-être bien de redonner les principes de la non-violence. Ça, c'est peut-être plus difficile. Oui, c'est pour ça que tu fais ça. Là, je ne l'ai pas amené avec moi. De toute façon, je vais remettre ça en ligne. Il y a une interview assez longue. Je t'interromps. C'est lui le responsable du site qu'on a créé. C'est comment ce site il est dans le bouquin. Hein. Vous allez sur Google, vous faites réfractaire Algérie, vous trouvez tout de suite dessus. Donc, moi, je vais mettre en ligne. La possibilité de se procurer donc ce CD qui est une interview de Joseph Pironet, donc le vieux monsieur que vous voyez là, qui était à l'origine de ça, où il raconte, il explique bien par le menu cette technique. Et en fait, je crois que l'idée la plus forte dans l'histoire, c'est pas tellement les objecteurs qui, eux, mon Dieu, ils ont été... J'ai entendu. Mais Dieu ou pas Dieu. Peu importe. Ils ont été jetés malgré eux dans l'histoire. S'il n'y avait pas eu la conscription, hein, si ça avait été la guerre d'Indochine, comme en guerre d'Indochine, il n'y avait pas de conscription pour ça, on n'envoyait pas les appeler, ce serait pas retrouvé dans l'histoire. Par contre, c'est toute la période de la lutte contre les camps d'internement. Où Pironet dit, on va prendre 30 personnes. Pendant 3 mois, à temps plein. Et on va s'entraîner et on va former les gens pour cette opération-là. Et ça, c'est fantastique. Ça, c'est une idée qui est absolument géniale. On prend 30 mecs, on trouve de quoi les nourrir. Et bon. Pour un moment très déterminé, pas long du tout, ça revient, 3 mois, c'est vraiment très court, mais très long, ces 30 personnes vont faire un travail quasiment comme des professionnels. Et ça va être quelque chose qui va être déterminant après pour la lutte des objecteurs, parce que là, il y aura eu un entraînement à des méthodes d'action non violente qui peuvent être très diverses, et qui font que... mais qui font que les actes sont réfléchis. À un moment donné, il y a Michel Lefebvre qui dit j'ai fait du yoga, j'ai fait de la gymnastique, et comme ça, j'ai appris la danse, et comme ça, en prison, je pouvais. Moi, je sais, moi-même, quand j'étais en prison, j'ai fait du yoga, et ça m'a beaucoup aidé. Et comme je bénéficiais, comme tous mes camarades, de la catégorie A, c'est-à-dire c'était le statut que les Algériens avaient acquis au cours de grèves assez dures en prison, j'ai vu qu'il y a un régime comprenait les politiques, alors qu'en France, la qualité de prisonnier politique n'a jamais été reconnue, ils ont eu nous avons bénéficié après de ce régime. Et donc je pouvais acheter, cantiner, on disait, des bougies. Donc à 6h du soir, ou c'était 6h, 6h30, la lumière s'éteignait, j'allumais ma bougie et je faisais mon yoga. Et les gardiens passaient à travers le tour, ils me voyaient faire. C'était le mec qui complètement fou. Mais c'était le genre de technique qui m'ont permis à moi aussi de tenir le coup dans ce genre de situation. Donc c'est vraiment des choses qui s'apprennent et qu'il ne faut pas ridiculiser. C'est un entraînement comme pour un militaire. Hein. Le maniement des armes, plutôt que c'est normal, et apprendre à résister, apprendre à se jeter sur un camarade qui est par terre pour l'empêcher d'être pris par les flics et de reprendre, c'est aussi un entraînement. Et dans la période où ces gens-là étaient au bidonville de Nanterre, à un moment, les flics descendent. Ils font une descente, ils viennent les arrêter. Donc, ils en prennent un, ils le mettent dans le panier salade, et, mais ils laissent la porte ouverte. Hein? En disant, bon, on cherchait un autre, ils le mettent dedans, ils le traînent. Pendant ce temps-là, le mec était dedans, il descend. Puis il va un peu plus loin, puis il attend. Puis ils se sont retrouvés comme ça, à tourner en rond, à remplir le panier salade, et les types descendaient. Mais c'est pas quelque chose qui s'improvise. C'est quelque chose qui s'apprend. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose à faire là, à ce niveau-là. Et c'est en même temps quelque chose qui peut donner... qui n'est pas sans risque. On peut toujours prendre des coups sur la gueule, on peut toujours se retrouver en cabane plus longtemps qu'on le pensait. Mais c'est quelque chose qui, dans cette idée-là, permet de progresser dans une action de confrontation. C'est parfaitement vrai, parce que tout ce qui a été fait pendant cette campagne contre les camps, les réfractaires qui sont arrivés après ont bénéficié de tout ça, parce que beaucoup de ces personnes-là ont continué à les accompagner pendant les périodes. Il y avait ces gens-là, et certains d'entre eux étaient sur les chantiers, etc. Et pour les gens qui étaient plus... Et puis, ils organisaient de temps en temps des sessions, des petits stages pour apprendre des techniques quand on se fait arrêter, comment se faire traîner par terre et tout ça. Mais il y a aussi le fait qu'ils étaient constamment dans les... je me souviens, quand j'ai consulté les tracts là pour faire, pour remettre un peu d'ordre dans tout ça, il était dit dans certains appels aux manifestants à manifester, en disant que les plus anciens, ils ont à cœur de prendre en charge ceux qui les plus jeunes. Et moi, j'ai aussi ressenti ça très fortement, non seulement, j'avais jamais de ma vie manifesté auparavant. Donc, même une première distribution de tracts, on ne se sent pas forcément, mais en suivant les autres, en regardant comment ils procédaient, etc., on se sentait fort bien entouré. Pour des petites actions comme ça, on s'est installé dans le hall de l'UNESCO pour un jeûne de 3 jours. J'avais jamais jeûné non plus, mais j'étais avec des gens qui étaient parfaitement, qui possédaient, qui savaient comment faire, comment procéder. On se laisse un peu porter pour des actions de moindre envergure. Je risquais pas grand chose. Mais ça, on se sent dans un climat. Et après, quand on est à Brignoles, moi je suis à fois en prison, et après je fais la première. Je participe au premier service national civil, donc la première action civile, et je suis à Brignoles, on est confronté très rapidement aux militaires. Et on va faire. Donc d'emblée, il y a des gens qui ont fait des choses avant, mais qui ont appris à jeûner. Aussi là, le jeûne, c'est une arme. Donc, on trouvait régulièrement, on avait au moment des repas, il y avait un mec qui manquait, et vous avez dit où ? Mais il jeûne. Donc, les gens jeûnaient à partir du soir jusqu'au lendemain soir, et comme ça. C'était l'entraînement comme d'autres font du jogging. Ce qui fait que le jour où il y a eu le premier affrontement, il y a eu sur le règlement militaire, on a déclenché un jeûne de 11 jours. Imaginez-vous la panique qu'il y a eu. Ça a été, on vous fait mal, on fait rien de vous, on arrête de manger. Et on vous dit, on reprendra tel jour. Bingo. Leur volonté s'est cassée. Si, bon là on a gagné. Et puis une autre fois, ils sont venus, il y a eu un affrontement vraiment terrible, et on s'est fait embarquer 17, on s'est retrouvé emprisonné dans un palais épiscopal qui avait été transformé en caserne de CRS. Et puis à un moment donné, on a décidé, bon, on est arrivé au point, on va faire un jeûne de 17 jours. Et on a fait un jeûne de 17 jours. On leur a donné date du début, date de fin, mais on a gagné. Mais c'est, ça avait été avec des gens qui étaient entraînés. C'est comme si on avait voulu faire un marathon sans avoir jamais couru. C'est pas quelque chose... C'est pas la grève de la faim. Hein. La grève de la faim, c'est du chantage. C'est vachement dangereux parce que c'est votre peau. Un jeûne, c'est quelque chose qui est complètement mesuré, planifié. On sait comment on va le commencer, on sait comment on va le terminer, on sait ce qu'il faudra faire après l'avoir terminé, on sait comment on va le structurer pendant la partie. Et c'est un mode de combat. Mais c'est quelque chose qui s'apprend. Et s'il n'y avait pas eu auparavant les non-violents qui avaient été en prison, qui avaient appris au niveau de l'arche à faire des jeûnes, ben on se serait planté. Et là, c'était à des moments très, très, très forts. Je vois que Francis voulait dire autre chose. Oui, alors moi, je vais vous lire un texte qui a été écrit par Sylvie, qui n'est pas présente pour lui, puisque donc elle m'a chargé de dire, elle a appelé ça ses élucubrations. À elle. Alors, chers amis, à mon grand regret, je ne pourrai assister à la présentation du livre de Facteur à la guerre d'Algérie au Sira le 8 avril prochain. Après avoir lu le bouquin, j'aimerais vous communiquer quelques réflexions que Francis veut bien vous transmettre. Avec une quasi-certitude, je dirais que quelqu'un à Marseille peut bien être André Haru, c'est-à-dire Jean René Sauvière, insoumis de la guerre 39-45. Je vous précise que Sylvie a été la compagne de André Haru. André, à plusieurs reprises, avait été contacté par de jeunes appelés qui se posaient la question d'objecter, de s'insoumettre ou non. André me disait que chaque fois, il avait préféré ne pas leur donner d'avis. Les invitant à réfléchir sur ce qu'ils étaient capables de faire et de supporter. Mais il ne leur cachait pas que refuser l'armée, d'une manière ou de l'autre, entraînait de multiples et immenses difficultés. Venons-en au livre. Je l'ai lu avec un mélange de curiosité, de passion et d'irritation. Je vais tenter de m'expliquer. Pour moi, l'aspect le plus intéressant est la démonstration que des actions non violentes peuvent être efficaces sur différents plans. Entraîner l'adhésion d'une certaine partie de la population, mettre en déroute les procédures administratives, les procédés policiers, etc. D'autre part, on voit beaucoup de chaleur, de soutien, de solidarité concrète entre les réfractaires, leurs compagnes, leurs familles. Cependant, concernant la dimension strictement collective de l'action, je ne peux m'empêcher de m'interroger. Qu'en est-il de la place de l'individu qui s'oppose en tant que tel à l'être? Certains comportements méthodent. Se rendre, indiquer où on peut se faire prendre. Je rejoins Aristide et André Haru. Autant rester utile et continuer à œuvrer hors de la prison. Les chantiers, et d'une façon générale l'idée d'un service, même civil, la notion de partage des sacrifices du peuple algérien, je ne nie pas leur existence, mais solidarité égale donc sacrifice. Quant au peuple algérien, même si c'est une commodité de langage, on sait que si certains subissent les sacrifices, d'autres en infligent. Et ce à des civils, et ce au nom de la guerre de libération. Le jeûne. Il n'est pas bien précisé s'il s'agit d'une action politique ou d'un acte à portée personnelle. Je suppose et j'espère qu'il s'agit du premier cas. La notion d'héroïsme. Vis-à-vis de la population, bien sûr, on comprend qu'il est souhaitable de ne pas être confondu avec ceux qui se mettent à l'abri, sans autre motivation que leur intérêt personnel, en somme, sans idée. D'où la proposition de service civil et la présence anticoloniale en Algérie. Cependant, je ferai un parallèle avec la morale laïque, destinée à damer le pion aux croyants, se présentant comme seul détenteur de valeur morale. Certains laïcs rivalisent dans le conformisme et l'étroitesse d'esprit avec les chiralico-bontaines. Attention à ne pas se laisser prendre à un jeu qui dénaturerait pour les anars le sens du refus de la guerre, de l'armée, et à mon sens de tout service obligatoire qu'il cite. Un point intéressant à ce sujet, le fait que certains, opposés à la guerre d'Algérie, parce que guerre coloniale, évoluèrent vers un refus de toute guerre, quelles qu'en soient les, entre parenthèses, mauvaises raisons, invoquées. Il me reste à remercier, malgré les quelques réserves exprimées plus haut, les auteurs de ce remarquable témoignage, et saluer celles et ceux qui se sont inscrits à contre-courant de cette immense saloperie qui est toujours la guerre. Avec mes amitiés, c'est vous. Voilà. Oui, c'est un petit détail sur le jeûne, action politique ou action personnelle. C'est les deux. Quand vous courez, vous pouvez courir pour les autres, vous pouvez faire ça pour vous-même. Et je vous assure qu'au bout de 3 jours, les 3 premiers jours sont difficiles, au bout de 3 jours, quand vous êtes délivré de la bouffe, vous n'avez plus à vous casser la tête à aller faire des courses, à aller manger. Vous avez la tête complètement libre. Et vous êtes sûr que c'est vachement. Et le premier jour où vous vous nourrissez de nouveau, vous découvrez le goût original des choses. Et c'est une expérience que j'ai fait 2 fois dans ma vie, qui a duré chaque fois 1 heure, la première fois. Et c'est un moment divin. Le vrai goût des choses. Après, on l'oublie, hein, parce que c'est, ça passe. Donc, vous voyez. Oui, il y avait un point qu'elle a soulevé aussi, c'est la notion de sacrifice. Est-ce que ça, c'était pas un peu les chrétiens qui vous ont poussé? C'est-à-dire, vouloir. Est-ce qu'on est obligé d'aller en prison? Est-ce que finalement, la soumission, la fuite, après une action spectaculaire, mais pas se laisser arrêter, ça aurait pas pu être une autre solution? Ce qui a été dit là, tout à l'heure, je ne me souviens plus exactement les termes de la lettre, mais j'ai eu exactement la même réponse du pasteur Poser que je suis allé voir, parce que moi je suis protestant, donc je suis allé voir le pasteur Poser, qui avait fait de la prison, qui m'a dit, tu sais que tu t'engages pour 10 ans, parce qu'à l'époque c'était 10 ans, c'est passé 5 ans quand De Gaulle est arrivé, il a fait exactement le même chemin, c'est-à-dire qu'il ne m'a pas dit « viens, fais-le pas », il m'a dit « c'est à toi de réfléchir, de penser ». Je suis allé voir le coin, je l'ai vu 2 fois. La première fois où je suis allé le voir, il m'a dit « bon, tu es objecteur, tu es quoi ? Tu es anarchiste ?» J'ai dit « je suis chrétien ». Il m'a dit « oui, il y en a des bons ». Bon. Et il m'a dit exactement la même chose. Ne t'engage pas, si tu n'es pas sûr de toi, c'est à toi de prendre ta décision. Personne n'a jamais poussé, et surtout pas dans les églises chrétiennes, même si chez nous on était vraiment. Enfin, je le vois maintenant, hein. On était soutenus plus que les camarades catholiques. Certains ont été soutenus. Des catholiques, mais pas tous. Hein. Alors que nous, aussi bien Eric le dit qu'André Ferré, le collègue qui était en Suisse, on a été soutenus par les églises. C'est curieux que cette idée de sacrifice, qui est une idée purement religieuse, hein, chrétienne pour nous, soit comme ça mise devant par quelqu'un qui se veut anarchiste. Moi, ça me fascine, parce que on ne s'est pas sacrifié. Non. On a fait ce qu'on avait à faire. Et c'est pas l'impression comme on. Plutôt, on n'a pas fait ce qu'on ne voulait pas faire. On a fait tout ce qu'on aurait pu faire. On a fait un maximum, mais en tous les cas. Mais moi, je pense aux anarchistes espagnols qui montaient à l'assaut des casernes et qui se faisaient déglinguer en masse. Est-ce qu'ils ne se sacrifiaient pas, ceux-là? Mais là, eux, on ne va pas leur reprocher. Si, si, on peut leur reprocher aussi. Ah, bon. D'ailleurs, ça a été reproché. Oui, sacrifice égal christianisme, il n'y a pas que là qui a dit. Entièrement d'accord. Mais il y a un certain anarchisme qui ressemble beaucoup aux religions, et principalement l'anarchisme espagnol, où il y a beaucoup de points communs. Toi, tu n'as pas sous le bûcher. C'est hérétique, hein. Et à Millau, par exemple, on a rencontré des paysans qui ont formé, à partir du Larzac, une association des les 3 et 4A, où ils refusent l'argent, la pension militaire qui touche, parce qu'elle est pleine de sang, et il la rassemble, ils en sont 60 en France, et il la donne à des œuvres à droite ou à gauche. Ouais, à gauche. Et ces mecs, ils vivent depuis la fin de la guerre d'Algérie, depuis qu'ils sont rentrés en Algérie, avec ça sur eux. Mais nous, notre vie, elle est horriblement légère. Je veux dire, on peut se retourner et se dire, putain, on a sorti un bouquin, on est beau, on a eu raison, on est bien. Et eux, ils ont ça sur la paillasse. Le sacrifié, c'est eux. C'est pas nous. Ben, il y en a des gros sur la parole, de celle de Loiret, hein, comme sacrifié, en voilà un, parce que vraiment, c'est un appelé qui est allé en Algérie, etc. Il était infirmier d'abord, donc il n'a pas eu à tirer, mais il a été témoin de toutes les tortures qui se faisaient juste à côté, enfin dans les casernes où il était. Pourtant, il est un des premiers témoignages en France, hein, par quelqu'un qui était directement là-bas, mais toute sa vie, moi j'ai rencontré Benoît il y a 15 ans de ça, toute sa vie, il a porté le fait d'être allé en Algérie comme une blessure. Pour lui, ça a toujours été du sang qu'il avait sur lui. Or, en fait, sacrifié. Or, en fait, il s'est révélé. Nous, on peut se dire, mais attends, on a fait des choses bien, c'est clair. Et je voulais te demander à André, puisque toi-même, tu connaissais déjà quelques anarchistes avant. À cette époque-là, comment tu analyses le fait qu'il n'y avait pas eu de mouvement plus massif autour de l'Algérie, même s'il y avait diverses positions possibles. Quel est ton point de vue à toi? C'est un peu compliqué, mais puisque Sylvie nous a écrit une petite lettre, je pense que vous avez tous lu son bouquin, donc vous savez tous qu'à un certain moment, il était à Bordeaux, dans le groupe Sébastien Faure. Moi, j'étais dans le même groupe, mais 20 ou 25 ans après, voilà. Oui, c'est comme ça. Et André Haru, quand il a pas vu partir en 39, et je crois qu'ils étaient une dizaine d'anars. Bon. Et puis, au moment de prendre la décision, il s'est retrouvé tout seul. Donc, il s'est d'abord retrouvé deux, et puis après, tout seul. Donc, il s'est retrouvé tout seul. Bon. Ça ne fait pas beaucoup. Oui. Bon, alors, pourquoi les anars ont réagi comme ça? L'AFCL, c'est fini en août 56. La fédération anarchiste se reconstruit. Bon. Très lentement, c'est tout éparpillé, il n'y a plus de mouvement. Et je pense que les militants qui avaient 50 ans n'ont pas compris qu'il y avait une guerre coloniale. Je pense que c'était pas... Enfin, si on relit les mondes libertaires... Non, attends, n'oublie pas qu'il y avait des anarchistes. D'abord, il y a Daniel Perrin, qui certes n'était pas un anarchiste. Il n'était pas anarchiste à l'époque, là. Non, mais quand même, il est quand même allé, souviens-toi, examiner de près qu'est-ce qu'il en était de la révolution agricole, si les souvenirs sont bons, notamment, les collectivisations, etc. Il est revenu avec des témoignages qui ont été entendus. Il y a quand même des intellectuels, en fait, puisque je ne peux pas en parler tout à l'heure, Camus, etc., avec ces liens, il y avait des analyses qui existaient sur la question algérienne, qui est dans la presse canale. Attends, mais Mais donc ça, ça existait. Et c'était pas Guérin qui avait, je sais pas quel âge à ce moment-là, il avait 50 ans, c'était pas Fayol, c'était pas Maurice Joyeux, c'était... Bon, les gars qui devaient partir, là, à ce moment-là, ils avaient 20 ans, et il y en avait très peu, en fin de compte. Bon... Non, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il y avait peu d'anarchistes, le mouvement anarchiste était peu important à l'époque, donc des anarchistes de 20 ans devant le dilemme qu'est-ce que je fais pour la guerre d'Algérie, ils n'étaient pas nombreux. Oui, très bien. D'accord. Moi, je prends une... Je vais prendre un cas maintenant. Qu'est-ce que les anarchistes vont faire face au service civil obligatoire qui va être installé? Il y a un texte de loi qui a été déposé, il y a 480 députés qui ont signé. Madame Royal en a reparlé en disant que si elle était élue, ou promettant de ça, c'est une des choses qu'elle ferait. Ça a l'air d'être la solution pour régler les problèmes. On a eu un très beau texte qui est paru dans le Monde Libertaire de Jean-Jacques Defénis disant « Stop, attention ». Moi, j'en ai parlé dans le groupe Anar où je suis, où il y a des jeunes qui pourraient être confrontés à ça. Bon, ils n'ont peut-être pas passé l'âge, mais bon, ce sera le cas des gens. Et alors là, à partir du moment où il s'agit de prendre une position individuelle qui ne rentre pas dans l'idéologie religieuse anarchiste à las barricadas, il n'y a plus personne. Moi, c'est ça que je dis. Qu'est-ce qu'on fera? On verra. Qu'est-ce qu'on fera avec les mecs qui diront non, j'y vais pas? Et que, comme Defénis le dit, la seule législation qui pourra être applicable à ce moment-là sera la législation militaire. Qu'est-ce qu'on fera? Alors que dans la législation militaire, ils viennent justement de passer une loi, un règlement très intéressant, qui autorise tout soldat à refuser d'obéir à tout ordre considéré comme illégal. C'est-à-dire, ça c'est une révolution dans l'armée, hein, et en même temps, effectivement, parallèlement, on institue un service civil obligatoire. Autrement dit, tout le monde est militarisé. Tout le monde est militarisé. Mais il n'y a pas un problème là. Parce que moi, je pense, le service militaire, c'est prendre des armes. Bon, donner une arme à un homme, c'est vraiment le déshumaniser. Et maintenant, bon, il fait autre chose. C'est pas un chemin qui est pris. Je sais pas, hein, je pose la question. Hein. Mais c'est quand j'étais en prison, on m'a dit, si vous voulez sortir de prison, vous acceptez le statut de subjecteur de conscience, donc vous allez faire un service civil. Moi, je dis, ouais, d'accord, très bien. Pour moi, c'est la clé pour sortir dehors. Hein, d'accord. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et puis, par un centre d'action, on a fait de telle façon que le service civil, tel que ces messieurs l'avaient entendu, a éclaté, et qui fait qu'à la fin, les gens ont fait ce qu'ils voulaient, grosso modo, un peu partout. Mais ça n'a considéré qu'une petite partie des gens. Maintenant, on reprend le même schéma, en ayant un projet politique derrière, qui est un projet idéologique. C'est-à-dire, on va prendre tous les jeunes ensemble, on va la... Hein, tu vois ce que ça veut dire, hein, on est dans une autre situation. Et on va les faire travailler à un moment où il y a du chômage, mais c'est pas possible. Hein. Ouais, nous, on a fait ça, c'était du plein emploi, on ne prenait du travail à personne. Maintenant, c'est le CPE pour toute une frange de la population. D'un seul coup, c'est génial, cette affaire-là. Tu vois? Alors, ça ne coûte rien du tout. Alors, c'est vrai. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est quand même mieux. Moi, je dis, on n'est plus obligé. Un jeune n'est plus obligé de prendre une arme. Moi, j'aurais été un garçon, quand il y a eu toutes ces histoires, j'aurais pas pu prendre une arme. C'est pas possible. Bon, maintenant, ils sont plus obligés de l'être. Alors, absolument. Moi, je pose la question. Ça a été. On a reçu cette. C'est une pétition qui est parue, je ne sais plus, dans la vie catholique, quelque chose comme ça. Il y a déjà 160 000 personnes, je crois, qui ont signé pour. Et quand, honnêtement, personnellement, et les collègues réfractaires à qui j'en ai parlé à l'époque, trouvaient effectivement que c'était peut-être une solution, enfin, que c'était peut-être pas mal, celui qui s'est réveillé, c'est le juriste. Et Jean-Jacques Lefélis a vu derrière cette proposition tout ce qui est négatif. Et en fin de compte, il y a plus de négatif que de positif. Et tu ne l'as pas mis sur le site? Non, je l'ai, mais elle n'est pas encore. Elle est sur la proposition. Elle a circulé, on l'a publié dans l'édition. Elle est sur votre site? Dans la pétition et sur la Voix catholique. Le texte de Jean-Jacques de Lefélis. La vie catholique. Sur leur site aussi. La pétition. Sur le site de la vie catholique. Le texte de loi qui a été déposé et qui est en discussion à la commission de la défense. Ce qui m'intéresse, c'est le texte de la pétition et de savoir où renvoyer pour faire signer les gens. J'ai un site sur la non-violence. Donc je peux renvoyer, faire signer la pétition et renvoyer. La pétition, c'est le contraire. La pétition qui a été signée, initiée par la vie catholique, qui a été signée à 160 000 personnes, est pour le service civil obligatoire. Ah, c'est pour Ah, non. Ah, je croyais que c'était contre. Non. Ah, c'est une pétition de la vie catholique pour. Il y a une journée d'initiation au citoyennisme, je ne sais pas quoi, qui est pour les garçons et les filles. Bon, et on ne parle pas beaucoup de refus d'y aller, parce qu'effectivement, ça ne dure qu'un jour, mais des anarchistes conséquents et convaincus devraient refuser d'aller à ce genre de journée. Le problème, c'est que si on ne va pas cette journée, on risque d'avoir des ennuis pour passer le permis de conduire, pour s'inscrire en fac. Il faut avoir l'attestation de la journée d'appel pour passer le bac. C'est tout à fait autre chose. Ce qui vient d'être proposé, c'est un service civil obligatoire qui remplacerait un peu le service militaire. Et quand on le lit comme ça, quand on lit ce texte et cette pétition, on se dit au premier abord, c'est peut-être positif. Et c'est Jean-Jacques Lefélis qui, lui, est juriste et a lu, et nous a envoyé dans le Monde Libertaire, non ? Dans le Monde Libertaire, une lettre où il explique tout ce qui est négatif. Et à ce moment-là, on se réveille et on se dit, bon... Mais ça a été précédé d'une loi qui autorisait l'armée, avec l'aide de l'éducation nationale, de prendre en charge certains jeunes non diplômés, donc principalement des jeunes issus de l'immigration, pour les éduquer, hein, entre guillemets, pendant une certaine période, c'est-à-dire en fait ces jeunes-là vont se retrouver quelque part faire comme un service, enfin une période pré-militaire, en guise d'éducation. Et ça n'a pas non plus, il n'y a personne qui a moufté là-dessus, personne. Là, il n'y a que des volontaires. Oui, il n'y a que des volontaires, mais bon, les volontaires, il y a, disons que, qu'est-ce que c'est volontaire? Des fois, on pousse des volontaires à être volontaires. Hein. Et puis moi, je voulais vous demander, quelle est la différence entre le pacifisme et la non-violence? Je ne te remercie pas d'avoir posé cette question. Trois jours de débat. Parce qu'il existe une pacifiste. Non, mais c'est sans arrière-pensée. En deux mots. Pas du tout. En deux mots. Pour revenir à Maurice Mondé. En deux mots, les pacifistes sont simplement opposés à...